On a fini de manger. Bonsoir à Tanger. Bonsoir à Tanger. Bonsoir, frère Seigneur. Les femmes là-bas dedans, bonsoir à Tanger. Bonsoir, Tanger. Les femmes sont en danger, elles ne disent pas dans le bonsoir. Bonsoir à Tanger. Donc, après les minutes de pause, maintenant on peut engager, n'est-ce pas? Ça va, frère Joubert? Ça va. Après, si on pourra causer, n'est-ce pas, toi et moi? Prions donc, prions. Père, nous recommandons encore ce moment, cette autre session entre tes mains. Nous prions au Dieu de gloire que tu prennes nos cœurs pour ta possession, que tu ouvres notre esprit à ta parole. Tu ouvres notre intelligence, Père de gloire, pour saisir ces choses que tu destines pour nous. J'ai pris Dieu de gloire que ce que tu as rendu accessible pour nous, que nous puissions l'appréhender en ce moment, si Père, au nom de Jésus. J'ai pris au Dieu de gloire que ce que tu as destiné pour mon frère, pour ma soeur, tu l'as lui accordé. Effectivement, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse. Prenons les Saintes Écritures. On n'a pas encore crié. Quand on va crier, on va finir la pause. Mets-toi. Mais reviens. Vous savez la différence qu'il y a entre une prière et le bavardage? Quand est-ce que vous savez que vous êtes prié? Quand est-ce que vous savez que cette prière, si c'est une prière, que c'est une vraie prière, quoi? Voilà. On y va. Vous savez, moi, vous allez faire comme en Allemagne. En Allemagne, j'ai enseigné comme ça. J'avais pitié des gens. J'ai pris une pause. Quand les gens mangeaient, la première fois qu'ils enseignaient, les gens faisaient comme ça. Tout le monde, c'était le béni à l'écho. J'ai commencé à dormir, j'ai dit, ok. La prochaine fois que j'enseigne, c'est que tout le monde soit épuisé. Donc on mange à la fin. Vous êtes fatigué? Non. On y va avec la Bible. Qu'est-ce qu'on peut commencer là maintenant? Notez ceci. Notez Genèse 46. On va y aller. Tous ces passages que je viens de donner, on va y aller. On va se finir ça là-bas. Genèse 46. C'est juste tes questions sont épuisées, non? On a parcouru la grande majorité, n'est-ce pas? Oui. Genèse 46, vous avez noté. Vous allez noter parce qu'il faut que j'affiche d'abord ça et puis on va aller circuler. Je vais noter Genèse 46. Maintenant, prenez Exode 4. Exode 4. Mettez également 1 Chronique 4. Notez Jean chapitre 1. Il est dans Jean chapitre 1. Le frère, il ne sait plus comment il va faire. Elle a ouvert la page, ouvert. Il dit noter parce qu'on va y arriver. On va commencer. Quand on va commencer à lire, on va aller dans un, dans l'autre. Il dit Genèse chapitre 46. Exode chapitre 7. Exode 4. Exode chapitre 7. Oui. 1 Chronique chapitre 4. C'est 1 Chronique qui est au chapitre 4. Jean chapitre 1. Genèse chapitre 32. Maintenant, 1 Samuel chapitre 3. Ok, on va commencer quelque part par les familles. Là, on va voir. C'est ça, c'est ce qui va nous conduire à la prière, d'accord? Regardons Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Les versets 19 à 20. Je vais lire, vous suivez. Suivez chez vous. Fils de Rachel, femme de Jacob, deux points, Joseph et Benjamin. Il naquit, écoutez très attentivement, il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm. Que lui, notez Ruth chapitre 1, que lui enfanta Asnath. Vous avez noté Ruth chapitre 1. Verset 20 encore. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar. Soulignez Asnath et fille de Potiphéra, prêtre d'On. Soulignez les deux noms. Asnath et Potiphéra. Asnath, ça veut dire celle qui est dédiée, dédicacée au dieu Niet. Asnath. Potiphéra veut dire celle que Ra donne. Celui que Ra donne. D'accord? Bon, maintenant, allons-y dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Souvenez-vous qu'on a encore Genèse chapitre 32 à regarder. Je ne peux pas oublier. Il dit qu'il y a le nom Asnath et Potiphéra que vous avez regardé. Samuel chapitre 3. Vous connaissez dans la première partie, la deuxième partie, si nous avons vu, lorsque nous lisions, nous avons lu le fils d'Élie ici, au fini, qui était des gens pervers. Et les, comment on appelle ça dans notre version là? Des vauriens. À l'issue des exactions que les fils d'Élie vont causer, vous avez dit qu'on devait y revenir. À l'issue des exactions que les fils d'Élie vont commettre, ça va pousser Dieu à la colère par rapport à la lignée, à la famille d'Élie, par rapport à la sacrificature. Parce qu'il arrive au chapitre 3, donc il envoie un homme de Dieu, il envoie un homme de Dieu pour avertir par rapport à la destruction qui arriverait dans sa famille. D'accord? Un homme de Dieu vient, il prophétise sur la maison d'Élie, que j'avais juré à la maison de David que je ne laisserai pas faire autre chose. Voici donc. Et je viens ici. Maintenant, verset 14 du chapitre 3. Verset 14, vous regardez. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais ce crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Les crimes de la maison de son père. Ça, c'est ce que le prophète, la première vision que Dieu donne à Samuel, Dieu lui communique la vision. Quand il est jeune, il lui donne la vision. Samuel était, Élie était couché là-bas. Il lui donne la vision. Il dit, Dieu fait avertir à Élie toutes les exactions que ses fils font. Et il a aimé plutôt ses enfants plus que moi. Il dit donc, il donne l'ascension. Regardons au chapitre 4. Il s'en allait vraiment doucement. Si vous regardez la... Dans le chapitre 2, verset 31 et suivant. Avant d'arriver au chapitre 4, là, je suis allé vraiment doucement pour construire. Gardez à l'esprit ce qu'on a lu dans Genèse chapitre 46. D'accord? Verset 31 du chapitre 2. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Vous entendez cela? Hein? Oui. Mais s'il n'y a plus de vieillard, ça se trouve que les gens me font comment? Jeune. Donc, c'est déjà les familles, quand vous allez vous lever, si c'est tenu comme ça, les gens meurent dans la jeunesse. Meurent dans la jeunesse parce qu'il y a quoi dans la famille? Une malédiction. On a le tracé. On peut avancer, n'est-ce pas, frère? Oui. Verset 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Donc, ça veut dire que quelqu'un est dans cette maison, c'est quand il grandit, il ne s'attend pas à vieillir. Il y aura une mort subite. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, c'est-à-dire prématuré. Vous entendez cela? Et tu auras, ça c'est il y a eu quoi encore dit, et tu auras, si vous regardez depuis le chapitre 2, c'est l'homme de Dieu qui a été prophétisé. Il vient envoyé par Dieu pour venir dire ces choses. Puis il dit, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous, les deux, le même jour. Vous y êtes? Donc Dieu donne la malédiction qui se trouve dans la famille, directement à cause de leurs actions. Puis il donne le signe que ces choses-là auront leur accomplissement. Donc si on voit ces choses accomplies, ça veut dire que la famille est maudite. On a le signe de l'accomplissement de la malédiction dont parle Dieu. Maintenant, quand quelqu'un est dans cette famille ici, est-ce que c'est ce qui lui arrive? Si tu ne pries pas pour que Dieu montre clairement ce qu'il en est, est-ce que tu sauras un jour que c'est cette chose-là? Regardons, verset 35, « J'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. » Vous voyez comment il annonce une nouvelle sacrifice, non? Oui. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour montrer que cette sacrifice va se soumettre à cette nouvelle sacrifice qui va bâtir par Dieu. Alors, on garde à l'esprit, Ophni et Phiné, Asna et Potiphéra. D'accord? On voit la malédiction qui est tracée ici. Alors, chapitre 4. Souvenez-vous, on a dit, et tu auras pour signe ces choses-ci. D'accord? Maintenant, Ophni et Phiné étaient mariés. Au chapitre 4, Israël va camper autour de l'âge, ils vont commencer à faire des cris, à donner des cris, au point où les Philistins vont avoir peur, parce que les Philistins les avaient assujettis pendant longtemps. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que l'âge de l'alliance est au milieu d'Israël. Ils vont avoir peur que, comme l'âge de l'alliance, à partir du verset 8, du chapitre 4, chapitre 7 et 8, écoutez très attentivement, le verset 5, en avançant vers le verset 8, lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je vous ai posé la question dès l'entrée. Connaissez la différence entre prier et faire le bruit, donc bavarder. Ici, ce cri-ci, le cri a fait le bruit au point où les gens ont entendu, où le temps, il y a Satan en fort dans le matcham, que Satan est tombé, il faut putiner. Ça fait le bruit sur la terre. Mais si ce raisonnement-là ne vient pas depuis le ciel, tu en es détecté seulement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, quand les Paul et Silas étaient en prison, quand ils ont chanté, ils ont fait aussi des bruits. Mais là, les fondements de la prison se sont ébranlés. Donc, il y a une différence. Dans leur cri se trouve la voix de l'esprit. Vous savez, n'est-ce pas? Dans leur cri se trouve la voix de l'esprit. Ici, se trouve le bruit. Parce qu'il y a un problème dès le départ derrière. Verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'âge de l'Éternel était arrivé au camp. Or, l'âge de l'Éternel, c'était là où, le Seigneur, pour symboliser le Dieu qui s'assoit au milieu des chérubins, n'est-ce pas? Donc, ils savaient effectivement, quand l'âge est là, ça donne l'assurance aux Juifs qu'il est au milieu. N'est-ce pas, frère? Il y a une malédiction qui avait été prononcée derrière. Avançons. Verset 7, les Philistins eurent peur parce qu'ils connaissent la présence de cet âge-là. On connaît que le chrétien ici, il prie vraiment, c'est comme ça. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Donc le cri les a effrayés. Le cri peut effrayer. Mais si on teste le domaine spirituel, on voit que Dieu n'est pas avec toi. Tu es mal barré. On avance. On va prier. On a d'avancer comme ça. Vers la prière. Verset 8. Malheur à nous. qu'il nous délivre, délivrera de la main de ces dieux puissants. Il appelle le Dieu des Hébreux. Pardon. Il appelle le Dieu des Hébreux le Dieu puissant. Il appelle ça beaucoup de dieux puissants, d'accord? Le Dieu des Hébreux. Il dit qu'il nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Donc ils connaissent comment les dieux là fonctionnent. Les dieux des Juifs. D'accord? Puis ils disent, fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Dieu a excité les Philistins de s'entêter pour combattre Israël. Donc, parce qu'Israël faisait confiance à la présence de l'âge, sans connaître qu'ils ont méprisé Dieu dès le départ par les actions. Maintenant, verset 10, les Philistins livraient bataille, Israël fut battu. Il fut battu avec quoi au milieu d'eux? L'arche de l'alliance. J'aimerais bien parler aux croyants ici. Parce que le fait que tu emploies le nom de Jésus, ça ne fait pas que Satan ne t'atteigne pas. C'est un autre jour, on va en parler. Maintenant, quand l'âge va être pris, il y aura la débandade totale. Allons-y maintenant à partir du verset 13. Verset 11, pardon. L'âge des dieux fut prise. Et les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, moururent. On avait prophétisé ça, hein? Oui. Ophni et Phiné moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Eli était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Donc, c'était un homme, il était au grand détail, gigantesque et âgé. L'homme dit à Élie, j'arrive du camp du champ des batailles, et c'est du champ des batailles que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'âge de Dieu a été pris. Je veux que vous suivez, on en allait quelque part en bas là-bas. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Écoutez très attentivement, sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car la douleur la surprit. On avance. Comme elle allait mourir, qui allait mourir? La femme qui vient d'accoucher. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Pour lui dire quoi? Comme ton mari est mort, il y a un fils qui le remplace. Mais écoutez très attentivement. Mais elle répondit, elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela. Qui a appelé? La femme qui a accouché, qui allait mourir. Parce qu'après, dans une donne naissance, elle meurt. Elle appela l'enfant. C'est quand même terrible. Ikabod. C'est-à-dire quoi? La gloire est bannie. Et la gloire est bannie où? En Israël. L'enfant naît en un moment donné où il y a toutes ces manigances tout autour et on lui donne un nom, on lui donne un cadeau, ce style de nom. Et la gloire est bannie. Il peut avancer maintenant encore. Jean chapitre 1. C'est parce que la ligne de prière, quand on a le tenu comme ça, on tient déjà la ligne de prière. On tient la ligne de prière. Jean chapitre 1. Jean Je vous ai noté Jean chapitre 1 tout à l'heure, non? Mm-hmm. Dès qu'on finit dans Jean chapitre 1, on va dans Genèse chapitre 32, puis on va dans 1 Chronique. Jean chapitre 1, verset 40 et suivant. André, vous y êtes, regardez. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Écoutez très attentivement, regardez celui-là, encore cela. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Le Saint-Esprit, on met entre guillemets, on met la définition de Cephas. Quel est l'intérêt de Jésus de changer le nom de Simon en celui de Cephas? Parce que Simon pourrait dire sable mouvant. Et Cephas, ça veut dire Pierre. Il dit, tu ne seras pas le sable mouvant. Tu vas être Pierre, quelqu'un qui sera solide. D'où vient-il que son papa lui donne ce genre de nom-ci dès le départ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Un collègue dans le petit courage. Ça, c'est un aspect avant qu'on prie, d'accord? First Chronicle. Chapitre 4. Dès que vous y allez dans le verset. 1 Chronique, chapitre 4. Tu as trouvé ma soeur? Oui. Courage, tu as trouvé? Oui. Tu es dans 1 Chronique? Il y a de ces choses dans la Bible aussi, de ces choses. Lisons les versets 9 et 10. Qui veut bien lire là? Frère, si tu peux lire. Yébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait du nom de Yébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Qu'est-ce que Yébet donc veut dire? Enfantement dans la douleur. Non, douleur. C'est douleur. Douleur parce qu'elle a enfanté dans la... Douleur. Après, elle met le nom de l'enfant quoi? Yébet. Yébet, c'est-à-dire? Douleur. Douleur. Ça, c'est une mère qui donne l'enfant à cet enfant-là. Mais regardez bien, l'enfant va voir que quelque chose ne va pas avec lui. Verset 10. Yébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il a compris? Pourquoi me dites? Il a compris que, son nom avait un impact sur lui. Il a compris que Dieu, on m'a appelé douleur. Mais je veux que son emprise soit brisée sur moi, pour que ça ne joue plus sur ma vie. Et la Bible déclare, et Dieu lui accorda cela. Ce qu'il a demandé. Vous êtes content déjà, hein? Comment tu es content comme ça? C'est dans la Bible, non, ma soeur? Vous êtes prêts à se comprendre? Oui. Mm-hmm. Ils sont de montrer une ligne. Ces choses, il faut que ça soit révélé. Comme je t'en ai dit partout, on dit... Ah, je suis chrétien, ok, il faut la délivrance. S'il y a quelque chose de la famille qui te touche, il faut que ça s'arrête. Parce que ceux qui vont naître, par exemple, dans la famille d'Élie, m'ont subi dans la famille parce qu'une chose a été dite dès le départ dans cette lignée. D'accord? Voici, comment. Maintenant, souvenons-nous, on a commencé dans Genèse chapitre 46, verset 19 à 20. Nous voyons qu'il y a certaines personnes de façon spéciale que même si le nom est négatif, ça n'a pas d'influence. Même si vient d'une famille négative, ça n'a pas d'influence. Et curieusement, vous voyez donc le Joseph, qui est celui qui a la prééminence en Israël. Joseph, pas vrai? Il va épouser une femme de prêtre satanique. Son papa, on dit Potiphéra. Donc un enfant qui est donné par Don de Ra, le dieu égyptien. Vous comprenez cela? Et le nom même de sa femme, c'est Asnath. Mais ses enfants naissent comme Manassé et Ephraim. Et Dieu vient les bénir en chargeant la malédiction là-bas à la croix, en transformant sur les têtes. N'est-ce pas? Mais regardons leur grand-père. Je vais taper le 32. plus, vous aurez Genèse chapitre 32. Je raconte d'abord l'histoire de derrière avant d'arriver là-bas une fois de plus. On y va. Dans Genèse 32, depuis le chapitre 28, il y aura une usurpation de titres de bénédiction. Quand Jacob, le papa Isaac sera vieux, vous connaissez l'histoire de l'usurpation, n'est-ce pas? À partir de cet instant, la Bible déclare que Esaü, le grand frère de Jacob, a conçu de la haine. Et il dit contre son frère Jacob, il disait que quand son père va mourir, il va le traiter, il va confirmer. Lorsque son père va mourir, il va aller enterrer comme ça là. Jacob va comprendre que ça va être grave. Mais il comprend qu'il a besoin de réconciliation avec son frère. Parce qu'il vivait de temps en temps dans la peur. Parce que son frère pouvait le surprendre n'importe où et lui faire du mal. Pour que ça n'arrive pas, il décide d'aller confronter son frère. Il marche, il place les troupeaux devant. Il envoie même l'ambassade contre son frère pour lui donner le cadeau. Son frère laisse le cadeau. Il dit, j'en ai vu. Il avance vers son frère. Il a compris que quelque chose ne va pas. Il a fallu qu'il y ait une intervention divine. D'accord? Verset 24 du chapitre 32 et suivant. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous sommes dans le chapitre 32 de Genèse. Verset 24 et suivant. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Suivez bien cet homme-ci maintenant. Et ce qu'il va dire dans le combat, d'accord? Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Suivez attentivement cette personne-ci qui en est parlé. C'est Jacob qui parle. Il dit, ne te laisserai point partir si tu ne m'aies béni. Si c'est pour la richesse physique, Jacob les avait en agogo. Donc, ce n'est pas ce qu'il a recherché ici. Il n'est pas recherché les richesses physiques. Au chapitre 28, donc justement, il avait fait la promesse à Dieu que si tu me donnes, Dieu lui a donné tout cela. Il avait tellement de moutons, de brebis, avec les servants, n'est-ce pas? Il dit, si tu m'aimes béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Je pose la question. Qui est en train de lutter avec Jacob ici? L'ange. Vous vous doutez au courant, vous parlez dans votre vent. L'ange. Vous êtes d'accord? Jacob lui dit quoi? Quand il dit, laisse-moi partir, que le jour de se lever, il faut qu'il rentre vite au ciel. Je ne te laisserai pas partir. Tant que tu me mets, nous voyons clairement qu'il ne s'agit pas de bénédictions physiques, n'est-ce pas? Oui. Ni de bénédictions matérielles, parce que les bénédictions matérielles, il les a déjà. Oui. N'est-ce pas, frère? Oui. Qu'est-ce que Jacob est en train de demander? Mais là, cet ange, quand il demande, je ne te laisserai point partir parce que tu ne m'aimes, à moins que tu m'aimes béni. Cette personne-là lui demande quoi? Qu'est-ce que son nom a à voir avec la requête de Jacob? Ou mieux encore, ne connaît-il pas le nom de la personne qui l'a de lutter? Est-ce que, avant de poser la question, il ne connaît pas son nom? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ok, ça c'est lui et Jacob. En parlant comme ça, que le Saint-Esprit en est de faire que Moïse note ça ici. Qu'est-ce qu'il lui est en train de nous dire concernant cela? Qu'il y a certainement quelque chose de maléfique. Que ton nom a un problème. Que ce qui empêche la chose là que tu as demandé, ça se trouve sur ton nom le problème. Quel est ton nom? D'accord, frère? Il dit Jacob est mon nom. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé d'Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître. Fermez la Bible à l'homme de Dieu. Ok. Donc Jacob interroge aussi son nom. Si, mais t'as pas aussi tes noms, c'est quoi? Ton nom aussi n'a pas de problème. Non, mon nom n'a pas de problème. C'est ton nom qui a des problèmes. Chez nous, d'abord, mon nom, il est comment? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez déposer la Bible maintenant, on va commencer. Si vous lisez Exode chapitre 7, donc, Exode chapitre 7 parle des fléaux, de l'enduisement des pharaons et la progression de manifestation de la puissance de Dieu. avez remarqué quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte avec Aaron. Vous avez remarqué quand Dieu a envoyé Moïse avec Aaron en Égypte. Il va faire des miracles au fur et à mesure. C'est-à-dire que la puissance ou bien l'intensité ou bien les dimensions des miracles qui étaient dispensés là-bas allaient de façon croissante. Dieu a commencé par les petits miracles au point où c'était à égalité. C'était à égalité jusqu'au miracle de poux. Lorsque les magiciens de Pharaon vont vouloir produire avec l'enchantement, non pas pour le voir, parce que c'était fort sur eux, ils ont dit que non, ici ça c'est le doigt de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Que le royaume des ténèbres est puissant. Mais le royaume de Dieu est tout puissant. Donc ils peuvent s'ingérer chaque fois, mais Dieu est tout puissant. En résumé, avec tout ce qu'on vient de faire là maintenant, en quelque sorte, vous pouvez comprendre le sens de la prière qu'on va élever maintenant. Maintenant, je le dis parce que j'ai entendu une voix de malédiction, le concernant particulièrement. Et beaucoup de familles sont à cause de cela, comme ça, sur ces jours-là. Il est pour lui parce que moi, j'ai entendu la malédiction prophétisée. Et puis, ça je vous ai dit, c'est quoi, c'est hier, ici. Et quelque chose est allé dans la vie. Le filet est allé comme l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, ça tombe comme ça. Donc, ça veut dire que les gens sont en captivité dans le filet satanique du monde des ténèbres. Ça veut dire que quand ça se passe comme ça dans l'esprit, tu marches physiquement, tu es en captivité, tu es emballé en captivité. Il faut la délivrance. Donc il y a des gens comme ça qui sont sous le joug, dans les jougs familiaux. Comme ça, tu as pensé, non, j'ai pas de problème. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est la Bible qui dit ça. Il faut d'abord être dans un Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est que c'est pas vrai pour toi. La Bible est vraie. Mais toi, est-ce que réellement dans ta vie, est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, il faut la délivrance. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas de confesser la délivrance pour avoir la délivrance. La délivrance doit être réelle. L'apôtre Pierre, vous savez, les pentecôtistes d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre, quand il avait été enfermé dans chapitre 12, il s'est couché là-bas parce qu'il savait très bien qu'ici, il n'y a pas de délivrance. Parce que le mur, là, lui donnait la réalité. Si que je suis en haut, je ne suis pas en bas, je suis le premier dans le monde de Dieu, j'ai les clés de moi, c'est sa clé. Il ouvre le gris là avec. Les clés qu'on lui a données, ce n'est pas les clés des gris de prison, n'est-ce pas? C'était les clés de quoi? Là-bas, c'est le royaume. Donc, c'est une autre réalité qu'il vivait. Il avait la clé de rang, oui. Il était dispositionné, oui, choisi, oui. Mais il était en prison. Dieu a dû déléguer un ange du ciel pour venir l'ouvrir à la barrière. Il a fallu la délivrance de l'apôtre Pierre. Elle est sortie, dit. Ah, j'ai devenu de l'endroit. Je comprends maintenant d'une manière sûre que Dieu a envoyé son âme me délivrer de la main de Rôde. Vous voyez la chose, n'est-ce pas, frère? Donc, il faut quelque chose de l'extérieur pour l'enlever. Quand il peut aller maintenant chez Jean-Marie, Jean, il dit à Jacques que je suis libéré, Rôde là-bas. Il est maintenant libre. Il peut maintenant marcher dans la confession de sa foi. J'étais en prison et le Seigneur m'a libéré. Si c'est l'heure, il dit que par la foi, je crois que je ne suis pas en prison. Que le pentecôtiste dit, crois par la foi que je ne suis pas en prison. Quand il va l'ouvrir les yeux, il va voir quoi, frère? La confession de la foi. Comment? Non, ça ne parle pas. Non, il ne peut pas tomber, ne t'inquiète pas, ma soeur. Je suis assis ici. D'accord. Par la foi, je suis sur la chaise, ma soeur. Donc, la confession de la foi que les pentecôtistes font faire aux gens-là, c'est pour les tromper. En fait, quand tu fais ça, tu es dans le groupe de prière, tu fais ça. Ce qui fait que tu excites seulement le muscle. La sueur va couler. Quand tu rentres, tu vas voir la réalité. Quand ça n'est pas allé, la deuxième chose à faire, c'est changer de lieu. c'est le lieu qu'on change. Tu crois qu'en fait, c'est le lieu que la prière n'est pas bien faite dans ce lieu. C'est pas ça. C'est qu'il y a une réalité, une vérité que tu dois admettre. C'est que si quelqu'un est ancré vraiment, il a une nouvelle créature. Et tu dois rester devant ces versets sans que ça soit réel. La question c'est, est-ce que c'est de moi dont on parle dans ce verset? Si ce n'est pas ça, il faut d'abord arrêter. Tu dis, Seigneur, misérable qui je suis. Il faut que tu me sois sorti ici. C'est ce qu'il en est. Tu vois, même les pasteurs eux-mêmes qui font là, qui prennent le micro et confessent, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'ils comptent sur les portes de fidèle. Parce qu'il faut qu'ils donnent au moins le spectacle pour prendre l'argent en retour. Si je dis, oh, le Seigneur est mon aide, je ne gagne de rien. Que me fait un homme? S'il dit ça, vous ne donnez pas les offrandes, vous allez voir comment il va dire, le vrai Seigneur va sortir maintenant. Il va se fâcher. Vous dites, quand vous faites, vous ne donnez pas l'argent, ça, Dieu se fâche, c'est pas Dieu qui se fâche, c'est lui. Parce qu'il compte sur votre porte-monnaie. Il dit, si vous avez une, deux, trois, quatre fois, il va dire, mais vous pensez que je perds ma maison avec quoi? Vous allez commencer à comprendre que, en fait, il ne compte pas sur Dieu, il compte sur votre porte-monnaie. Oui. Mais il fait seulement sa prestation. Alors, quand on fait la prestation, on doit payer en retour. D'accord? cherchons dans la relation avec le Seigneur. Une relation avec le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que chacun de nous œuvre maintenant en regardant que si s'y trouve dans n'importe quelle de nos lignées des paroles de malédiction qui ont été dites et qui auraient de l'emprise sur moi, que son emprise soit brisée aujourd'hui. C'est la ligne de prière là maintenant. Que ce soit par le nom, par une religion familiale, sur quelque forme que ce soit. Quand on va faire ces prières aujourd'hui, parce que l'autorisation est donnée, ça sera réglé. C'est-à-dire que s'il y a n'importe quoi qui nous tenait dans cet autre niveau-là par rapport à la lignée, que ça soit brisé. Il dit parce que l'autorisation est donnée. Il y a des gens que vous entendez dans une famille, vous voyez quelqu'un faire une fausse couche. Une femme, écoute, fausse couche. Fausse couche. On dit non, c'était la conception extra. Vous appelez utérine. Donc toutes les conceptions qui allaient sur la terre, ça n'a pas vraiment vu pour aller sortir extra utérine. Il faut la délivrance. Hier, je parlais à ma maman et c'est en parlant. Voici quelqu'un que voici le vrai problème. Elle dit que c'est son fils qui est là-bas. Il faut prier pour que la tête soit. Il dit, voici le problème, voici la voix. La voix dit que c'est ici le problème. Comment c'est pas normal que quoi on fasse le vent pour arrêter l'enfant une fois, deux fois, vous voyez. Parce qu'il y a un signe là-bas de quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est ça que je parlais. Alors il faut prier. Il faut prier parce que ceci, ça nous indique l'amour. Que voici l'amour. Et quand cette personne se couche maintenant sur la table, elle meurt, ça touche sa fille qu'elle a couchée. La fille va transmettre la prochaine fois. On dit, qu'est-ce qui se passe? Si un jour Dieu lui ouvre les esprits, on va dire, ah, on m'avait dit que ma mère, on nous avait accouché tous par césarien. Moi, si je me rends compte maintenant qu'elle me couche par césarien. La question, là, c'est quel est le problème? Si vous avez des problèmes ou vous avancez dans le vice spirituel, ça ne va pas. La première chose à regarder, regardez d'abord le background. D'abord là-bas. Parce que les idoles familiales lâchent difficilement. C'est pour ça que je vous ai donné Exode, là, chapitre 7. Il lâche difficilement. Quand Dieu envoie quelqu'un à Pharaon, à Moïse, il dit que laisse aller mon peuple. Il dit que qui est Dieu pour qu'il le laisse partir. Donc après, on voit que vous devez dire que non, je suis un Seigneur, t'as fait comme un chagrin, mon Seigneur. Le démon dit que ah bon, hein, pas alors. Parce que vous êtes trop bon. Même les jeux pour sortir de l'Égypte, il y a eu des confrontations. Enfin, dans la première partie, on a lu comment, pour qu'un ange vienne donner le message, il a dû confronter. Donc le terrain ne reste pas comme ça, non, Dieu est victorieux, comme il est le grand Dieu passé. Les anges passent, ils vont combattre contre qui? On peut prier, mes frères. On peut prier. Donc vous avez suivi le carnaval à prier, c'est donné. Alors qu'on va finir de prier, tu appelles ces femmes-là pour qu'on prie pour elles, parce qu'il y a la parole pour elles aussi, d'accord? Celle qui est malade là. Ça veut dire que toute puissance de malédiction, toute parole de malédiction, j'aurais souhaité prendre des passages dans la Bible encore concernant cela. Vous connaissez l'histoire de la famille que Dieu avait lancée en Égypte, en Israël, sous David, à cause de la malédiction qui frappait Israël, où ils avaient fait les clauses avec les Gabaonites, qui ne devaient pas tuer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Sous les yeux du livre de Josué, chapitre 9. Quand les Gabaonites avaient pris une ruse, quand ils avaient compris qu'Israël vient, Israël était puissant, ils ont pris une ruse, ils sont venus faire alliance avec Israël. Et trois jours après, avec le contrat de cette alliance, ils ont compris que les Gabaonites étaient à côté d'eux. Et là maintenant, ils avaient déjà juré qu'ils ne devaient pas nous tuer. Mais quand Saul est venu plus tard, on s'en fout. Que Josué ait fait ça là-bas, c'est son problème. C'est pas son problème. Parce que quand la parole est parlée, vous devez respecter. Ils ont fait tuer. Quand ils ont tué, est-ce que Dieu a parlé? Dieu n'a pas parlé à Saul. Il n'a ni parlé à personne. Il a resté tranquille. Des années sont passées, surtout sur David. Bam, la famille entre en scène. On dit que ça, c'est quoi? La Bible déclare que David chercha la face de l'Éternel. L'Éternel dit que c'est à cause de la maison sanguinaire. Saul. Qu'est-ce que les gens qui vivent maintenant ont à voir avec ce que Saul a fait? Vous suivez, n'est-ce pas? Il faut comprendre pour que toute parole qui est dite dans la famille, j'aurais souhaité prendre le temps pour dire quelle heure il est maintenant? 9h08, c'était déchargé. Ok. Prenons le cas de témoignage de notre soeur que j'ai vu les yeux du démon. J'ai vu les yeux des. Il dit. Prenons le cas de notre soeur, j'ai vu les démons. Vous vous souvenez, dans son témoignage, elle a dit que même si tu parles n'importe où, tu ne seras rien. Tu vas mourir dans 5 ans. Tu ne deviendras rien. Vous pensez que qu'est-ce qu'on a de dire? La personne que tu regardes à l'intérieur, tu vois les yeux changer. C'est celle-là qui est en train de parler. Ce n'est pas la lettre de chaise qui est en train de parler. Parce que l'aide de chaise n'a pas de pouvoir. Mais habité par un an, vous savez, je crois qu'il parlait aussi c'est des divorces. Les gens qui disent, je t'aime, après maintenant, je ne t'aime pas. C'est une autre personne qui est en train de parler. Maudit Dieu et meurt. C'est une autre personne qui est en train de parler. Alors, quand cette personne déchire dit, tu ne seras rien. Miséricorde, quand on te dit comme ça, que tu ne seras rien. Tu vas faire comme ça, rien ne marchera, tu ne réussiras pas. Il faut seulement le Saint-Esprit pour venir enlever cela. Toute malédiction dans la vie, c'est uniquement enlevable par le Saint-Esprit. Vous comprenez cela, hein? Alors quand comme ça là, sur quelle puissance? Ah, tu ne peux rien faire, tu comptes sur quoi? Parce que c'est un esprit qui t'a parlé. Si un esprit te parle, il faut que c'est l'esprit qui enlève. Vous suivez cela? Si un esprit te parle, il faut que c'est l'esprit qui enlève cela. De façon intrinsèque, l'homme n'a aucun pouvoir pour faire ces choses-là, pour enlever. Alors, ça veut dire que si tu es dit, ah non, non, non, et tu ne vis pas bien comme Christ veut, et que tu n'aimes pas entrer comme Christ veut, tu vas tourner en rond comme ça. Tourner en rond juste parce que le jour où Dieu te fait miséricorde de comprendre, il faut que ces paroles-là soient brisées. Donc, il va dire comme ça, pendant qu'il dit comme ça, comme c'est un commandant de l'esprit, les esprits seront derrière cette parole-là pour l'accomplir. Ils vont veiller que tu ne marches pas comme Dieu veut. Alors, ils vont avoir, tu vas avoir des attaques. Des attaques. Vous comprenez cela? Maintenant, prenons cette personne-là, il part dans son temple, il était fièrement énervé. On dit, donne son nom, on écoute son nom. Son nom est sur l'autel ou le démon là-bas. Pendant que tu donnes ta sonnerie, tu écoutes la musique de Beyoncé, tan, tan, tan. Le démon, ça nous dit qu'il faut qu'on l'oppresse. Il faut qu'on l'oppresse. Ton nom est dans un haut lieu. Tu vas pas à l'église dimanche, tu fais des dîner Marie qui dénoue le nœud. Et Marie qui dénoue le nœud est dans un camp. Tu vas te protéger comment? Comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a des familles que le papa est franc-maçon. Il est franc-maçon. On dit, tu signes, je signe ça avec mon sang, que ma postérité te servira, ô Lucifer. Oui. Et toi, tu es né où? Chez lui. Quand tu es dans cette famille-là, tu es de sa postérité, frère. Oui. Il faut que le Saint-Esprit te délivre de cela. Si le Saint-Esprit ne te délivre pas de cela, tu es mal barré. Tu t'avances dans la vie chrétienne, c'est là où tu vas voir que les attaques sont réelles. C'est-à-dire, quand tu t'avances en disant Jésus, Jésus, parce que quand tu as même dit Jésus, même de façon innocente, ça va les contraindre à te montrer de quel bois il s'échauffe. Je veux dire que tu veux aller haut. Les degrés de liberté qu'il laisse. Degré de liberté, ne parle pas comme en physique. Hein? Quand le degré de liberté au sens normal de littérature. Les degrés de liberté qu'on laisse aux gens. Vous savez, quand on attache une chèvre quelque part, bien le bœuf, on met une corde, on peut attacher sur un arbre. On le laisse qu'il mange là-bas. Les ailes qu'il mange là-bas, ça ne sera pas des bénédictions. N'est-ce pas? Quand il épuise dans ces rayons-là, le degré de liberté qu'on lui donne, c'est de l'arbre jusqu'au maximum. Donc, c'est le rayon de cette fois-là. Quand l'arbre va finir là-bas, pour qu'il tende là-bas, il va tendre là-bas. Mais c'est là-bas, se rendre compte qu'il est attaché quelque part. Il lui faut la délivrance. Donc, pour qu'il avance, il faut la délivrance. Non, oh, je veux que le Seigneur avance. Avance. Il te laisse de l'emprise pour que tu ne sais pas. Mais c'est quand tu es en pleine relation avec le Christ que tu confies maintenant que donc, j'ai un problème spirituel derrière. Donc, il est temps que franchement, on se réveille. Pour regarder en arrière, couper ce qu'il faut couper avant d'avancer. Vous comprenez, frère? Couper ce qu'il faut couper. C'est quelqu'un dit non, moi, je pense pas que j'ai le problème, ne t'inquiète pas, avance seulement. Avance seulement. C'est pour ça qu'avant le niveau de les chrétiens avancent, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont l'esprit de divination. Tu vois, quelqu'un est dans une famille où son père est marabout, sa mère est marabout. Peut dire non, je m'en vais à l'église. Et là, comme ça, Satan dit que tu l'avais consacré, non, pomme. Il commence à lui donner plutôt des visions, sachant que s'il donne quelque chose qui est contraire à l'église, il va vite détecter. Il donne le songe, il donne des visions, il donne le sujet. Tu dis, oh, le Saint-Esprit m'utilise. C'est un niveau de tu confonds le Saint-Esprit, c'est pas moi qui hein, m'utilise depuis. Tu vois que ton problème c'était que tu es né chez les divins, les membres des divinations et tu étais au service en invoquant le nom de Jésus. Mais je vais faire. Donc on a des problèmes. On a des problèmes, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie, d'accord? Tu voulais dire quoi, Jean? Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est la même chose qu'on avait dit. Comme tu as mis le cahier devant nous maintenant, dis-nous. Oui, donc je vais dire ici. Une caisse enfouie dans l'eau, ta vie est bloquée au village paternel et tu pleures disant, pourquoi vous me faites cela? Les voleurs que tu as vus ne sont pas des voleurs, mais les sorciers de ta famille. Leur but, c'était de te tuer. Ça, c'était en 2011 parce que les jours même, j'avais un examen. Donc, ils sont venus, je ne sais pas comment la porte a été ouverte, comment de la maison, ils sont rentrés. C'est moi qui suis le seul à être cambriolé. Mmh. Ils ont balayé tout de la maison. C'est là même le moment où j'ai commencé à ne plus voir Dieu du sommeil la nuit. Mmh. Es-tu débloqué au village dans l'eau? Une fille préparée dans le monde des ténèbres et à l'origine de tous tes malheurs. Je ne sais pas qui est cette fille, on me répète toujours ça, chaque personne que je rencontre me parle d'une fille. Ton passeport a été volé par les sorciers de la famille. Attendez. Vie limitée et condamnée, sécheresse. Dieu demande la crainte de Dieu, mérite un suivi pour que la main de Dieu soit sur toi. Faire du service personnel, attention à la publicité et marche dans la crainte de Dieu. Chaque semaine, faire un service les deux jours et après on priera pour toi. C'est en cela que tu auras le succès. Évite aussi la distraction. Ferme ton cœur. Il y a encore l'autre. Continue. Ton nom est entre les mains des gens. Attendez, non. Dieu prépare un travail pour toi. Mmh. Chaque fois, ça aussi, on me répète ça. Mmh. Pas de gain dans ce que tu fais. Mmh. Prie beaucoup, car beaucoup de femmes te suivront. Mmh. Comme tu parles même d'abord bien, là, c'est un problème. Continue. Beaucoup de femmes te suivront. Oui. Or, cela est le plan du diable. Oui. Combat l'échec dans ta vie pour la prière. Par la prière, tu seras sauvé. Amen. Quand on prononce ton nom, les femmes sont contentes, mais pas les hommes. Mm-hmm. C'est ce que j'ai constaté aussi. Oui. Beaucoup de mecs ne m'aiment pas. Oui. Mauvais songe. Oui. Esprit de mort. Oui. Poursuivi dans la forêt. Ferme alors, ferme le cahier. Mais peut-être qu'on aurait dit que j'ai dû lui ton cahier de parler, ce que ça ne parlait ici, non. Ça, ce cahier est demi combien? C'est depuis 2014. 2014, garde dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, on ne prie pas. On prie. Vous êtes d'accord à ce que c'est n'importe quoi que le Saint-Esprit se passe là? Amen. Tout ce qui est répétitif de façon négative dans la famille est une malédiction. Tout ce qui est répétitif dans la famille, dans ta vie, tout ce qui est répétitif de façon négative est une malédiction. Et seul Jésus doit intervenir là-bas. D'accord? Avec nous, on va prier. Tiens ici comme un bandit de mer pour voir la vague venir vers vous. Donc vous allez prier, d'accord? Vous allez prier. Vous êtes prêts à comprendre pour que les Égyptiens que vous avez vus de l'autre côté, vous ne les voyez plus, n'est-ce pas? Alors maintenant, chacun, en fait, ici c'est quelque chose de personnel. Vous savez exactement ce qu'il. Quand nous parlons chaque fois en voyant ces choses, vous visualisez ce par quoi vous traversez. Vous savez effectivement que la fondation de ma famille, c'est telle chose. Alors, il ne faut pas que ces choses que vous visualisez, quand tu es de t'asseoir là, c'est dans le monde. C'est toi. Que, il ne faut pas que ces choses-là que vous visualisez. Il y a des gens qui sont dans la famille, ils regardent que c'est l'échec, l'échec, l'échec tout autour. L'autre, ils regardent que ce sont les filles qui accouchent pas assez. L'autre, c'est l'absence de telle ou telle chose. Ces choses, quand tu visualises, tu sais exactement que ce n'est pas là les choses qui peuvent me toucher. Alors, il faut commencer à dire. Toute parole de malédiction, toute malédiction qui a travaillé dans ma famille, d'accord? Que ce soit brisé au nom de Jésus, d'accord? Priez. Quel que soit le prier, ouvrez vos bouches, priez, priez. Ça, c'est le début là maintenant. On va passer à la deuxième partie. Toute puissance des sorceleries des malédictions. Nous sommes tous les gens qui sont Par les paroles les plus rudes, toute parole de malédiction dans votre famille qui a trait à vous, qui vous tient d'une façon ou d'une autre dans vos vies, une parole de malédiction, toute parole de malédiction prononcée dans les ténèbres ou bien physiquement qui touchait à ma vie, que ce soit à niveau au nom de Jésus Christ, priez. Premier point. Toute parole de malédiction prononcée dans ma famille à quelques générations que ce soit. soit faite, que ce soit brisé maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les chefs que tu as Que toute cette parole soit annulée dans toutes les parties de ta vie, que ce soit physique, que ce soit spirituel, dans le domaine de ton étude, de ton travail, n'importe quoi, dans ton foyer, que ça soit brisé, que cette parole soit annulée. Prie. Que l'emprise de ces malédictions dans nos vies soit brisée au nom de Jésus-Christ. Mon emprise sur ta vie, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son emprise dans ma vie soit brisée. Toute parole qui a été dite contre ma vie, dans ma famille, et que l'heure de l'emprise dans ma vie, sur quelque plan que ce soit, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est dit que tu ne seras rien, cette parole sera détruite maintenant. On est bloqué n'importe quel endroit par une parole. Que ce soit détruit au nom de Jésus. Que cette parole soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, à quelque stade que ce soit, dans les ténèbres ou physiquement, qui avait de l'emprise dans ma vie, je les commande au nom de Jésus que son emprise cesse aujourd'hui. Amen. Je veux que vous remerciez quand on a parlé ici là maintenant. Vous comprenez ce que vous avez de faire? Vous comprenez ce qu'on a de faire, n'est-ce pas? On va aller niveau après niveau, niveau après niveau. Donc, si vous y croyez, donc maintenant, la Bible déclare que lorsque vous dites quoi que ce soit comme prière, vous le verrez s'accomplir si vous croyez. Donc, ça veut dire, toute parole qui a été dite et que tu te rends compte que ça avait des faits sur toi, à compter d'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. On peut passer au niveau 2. On peut passer au niveau 2. Oui. Maintenant, remarquez très attentivement que vous pouvez être ici, un esprit sort, ça appartient. L'autre peut dire, comme l'autre a dit dans son témoignage, que je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir ce qu'il en est. Donc, il y a des esprits qui surveillent pour veiller à ces alliances-là. Il y a des esprits qui te surveillent pour veiller à ce que les choses en marchent. D'accord? On va s'adresser maintenant à eux. Que tout esprit destiné dans la famille, par la malédiction, dans la sorcellerie, pour me surveiller, je les chasse maintenant au nom de Jésus. D'accord? Amen. On va toucher un autre niveau, puis un autre niveau. Allons-y, prions. Tout esprit est sorcellerie, tout esprit qui est sorcellerie, qui me surveille. Prie vraiment. Je commande à tout esprit qui venait de la famille, de la sorcellerie, qui surveillait ma vie, qui est chargé de me tenir en captivité, de me suivre. Je commande de me lâcher, de lâcher ma vie, de ne plus avoir d'emprise sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez prêts parce qu'on en est d'avancer, d'accord? Quand ces esprits de Dieu viennent, ils donnent à manger. Les gens qui mangent à répétition, le sexe dans le rêve, pour toujours le maintenir. Pendant que tu travailles au mieux de ta connaissance, quand ces choses se passent, l'énergie est absorbée. Donc, ils se nourrissent. Pendant que tu travailles, c'est eux qui absorbent toutes ces choses-là maintenant. D'accord? Donc, toutes ces portes-là seront fermées. Vous mettez seulement vos mains sur vos ventres en priant dans cette autre étape, c'est là. D'accord? Donc, toute emprise de ces esprits dans ta vie, tout poison, ou toute chose qu'ils ont eu à faire dans ta vie, dans ton corps, dans ton ventre, c'est parce qu'ils se trouvent là maintenant, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait dans ton ventre, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth, que ça n'en prie cesse. Priez, Jésus. Commande. commande toute substance, tout poison envoyé dans ton corps de façon spirituelle. Que ça sorte de ton ventre, ça sorte de ton aile. Au nom de Jésus, comment commandez. Avec la main sur ton ventre, que tout poison, tout esprit qui injecte des substances et des poisons dans ton corps, dans ton être, et puis touche à ta santé, que ça sorte maintenant au nom de Jésus que tu n'as pas. Comment avec la main sur ton ventre, comment? Quel qu'en soit ce que vous avez avalé, ça doit sortir. Tout ce dont ils vous ont donné, vous avez mangé, commandez que ça sorte. Que toute maladie, toute substance qui vient du monde des ténèbres et qui se trouve en toi, dans ce ventre, dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus Nazareth. Que tes entrailles soient bouchées, je commande que ça s'ouvre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tes trompes soient bouchées, je commande maintenant que toute substance mise dans tes entrailles, au nom de Jésus de Nazareth, que ça s'ouvre, que tes entrailles s'ouvrent, que ton ventre s'ouvre. Toute substance qui bloquait quoi que ce soit dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus. Commandez. Au nom puissant du Seigneur, je commandez. Toute substance qui se trouve dans ton ventre, dans ton corps, envoyé par l'ennemi, coordonné par l'ennemi, que ça sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Toute substance, dans ton corps, dans le ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça sorte. Commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Tout poison, toute substance dans ton corps, j'ordonne que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, sorte. Toute maladie et toute infirmité dans ton corps, envoyée par les démons, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus, commandez. Toute maladie et tout esprit dans ton corps, dans tout ton système. Prie, commandez, ne lâchez pas, et ils ne vous lâchent pas, ne lâchez pas, commandez, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, commandez au nom de Jésus de Nazareth, que toute substance, tout poison, toute chose qui était dans ton âme, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, toute maladie, Au nom de Jésus, commandez. Tout cet esprit qui vous donne la nourriture dans la nuit, qui vous fait coucher dans la nuit, tout cet esprit-là, toute maladie et tout esprit qui dépose en moi. Comment que ça sort, comment que ça vous lâche. Esprit de couche de nuit, de nourriture nocturne, tout ces substances, que ça sort de vous. Mon puissant Jésus, sort de mon ventre, Commandez. Vous avez la puissance dans le nom de Jésus et l'autorisation d'utiliser son nom. Je commande que toute puissance, toute substance qui était dans vos corps, par ces esprits, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Toute substance, toute maladie, dans ton ventre, dans ton nez, dans ton sang, au nom de Jésus Nazareth, comment que ça sorte. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression qui est répétitive dans ta vie, que ça s'arrête aujourd'hui. Commandez. Commandez. Toute substance dans ton être, dans ton vase, dans ton corps, venant des sorciers, venant de ces esprits, je commande que ça sorte. Au nom de Jésus. Prie. Que ce soit ton sang, que ce soit ton corps, que ce soit une chair qui est à l'intérieur de toi, une chair humaine que tu as mangée, la nourriture, le poison nocturne, je commande que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus, je commande que ça sonne. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez. Prie. Dans ton ventre, toute substance sous poison, tout ce qui est dans ton ventre, qui n'est pas léger, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Prie, ne lâchez pas, toute puissance qui réside dans ta vie, qui mettait des substances dans ta vie, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, vous entendez cette voix maintenant, je commande de lâcher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, avec la main sur le ventre, observez cela. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, de tout poison, toute substance, toutes ces substances-là sortent de votre corps au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Ne lâchez point. Au nom de Jésus, sortez de nous. Ne lâchez pas sa voix dans votre corps. Au nom de Jésus, Nom puissant du Seigneur Jésus Nazareth. Commande Jésus. Que ton système soit restauré. Que ton ventre soit restauré. Que ton corps soit restauré. Ta vie spirituelle soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Que toute montagne qui se place devant toi soit rabaissée. Tout ce qui crée obstacle soit brisé. Au nom de Jésus Nazareth. Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ, pas au démon. Ils doivent savoir cela. Prie. Au nom de Jésus, Aucune des choses de Satan ne doit se retrouver en toi. Ça doit sortir au nom de Jésus, ça sort de toutes choses. Toute substance dans ton sang, toute trace de maladie dans ton sang, venant du monde du tonnerre, dans ton ventre, que ce soit les ulcères d'estomac, que ce soit le cancer des seins, du thyrus ou n'importe quoi, que ce soit des fibromes ou n'importe quoi, je commande que ça vous lâche au nom de Jésus. Nazareth, commandez. Poison nocturne, n'importe quoi qui se trouve en toi, je commande au nom de Jésus que tu n'as pas que ça sorte. Ordonnez, commandez. commandez. Parle contre ce Seigneur. Parle contre ce Seigneur. Sors. Rendez Jésus de Nazareth. Sors. Rendez Jésus de Nazareth. Sors. Rendez Jésus de Nazareth. Sors. Rendez Jésus de Nazareth. Rendez Jésus de Nazareth. Rendez Jésus de Nazareth. Rendez Jésus de Nazareth. Rendez Jésus de Nazareth. Rendez Jésus de Nazareth. Toute puissance qui manipulait ta vie, qui te donnait des maladies, pas dans la nuit, que ce soit physiquement ou spirituellement, commande au nom de Jésus que ça vous lâche. Commandez. Non, mais je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Toute infirmité, je commande que ça te lâche, que ta santé soit restaurée au nom de Jésus Christ. Commandez. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Toute puissance des maladies, toute puissance des sorceries, toute puissance qui bloquait ta vie. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, que ça te lâche, quelle que soit sa provenance. Et ça vous lâche au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que toute ta vie, tout ce qui était, qui te maintenait, toute chaîne avec laquelle ces esprits vous maintenaient, que ça soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'aurez plus de temps avec votre passé. Quel qu'en soit ce qu'ils ont décidé dans la famille, vous n'aurez plus affaire avec eux. Au nom de Jésus de Nazareth, vous marcherez en regardant vers le Seigneur Jésus. Ils ne vous tireront plus derrière. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes paroles négatives prononcées dans vos vies sont annulées. Et toute substance négative envoyée contre vous dans vos santé s'est annulée au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute substance envoyée dans vos corps pour la maladie, sur quelque forme que ce soit, pour bloquer n'importe quoi que ce soit, au nom de Jésus Christ de Nazareth, que ce soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, votre corps appartient au Seigneur Jésus Christ, mais pas au démon. Votre corps appartient au Seigneur Jésus Christ, pas au démon. Que ton corps, la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans ton corps. Pas des ténèbres dans votre corps. Pas des substances de ténèbres. Pas des attributs de ténèbres dans votre corps, mais seuls les attributs de lumière. Que la lumière soit dans ton être, que la lumière soit dans ton ventre, que la lumière soit dans tes yeux, que la lumière soit sur ton visage, que la lumière soit sur ton nom, et que tu sois couvert par cette lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie. Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ par le temple des esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière soit dans ton esprit. Que la lumière soit dans ton cerveau. Dans ton âme. Que toute maladie disparaisse. Que ce soit la cécité. Que ce soit le blocage. Que ce soit le blocage dans quelque endroit que ce soit de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance qui manipulait ta vie. Prie. Commande. Toute substance qui manipulait ta vie. Tout esprit qui manipulait ta vie. Que vous lâchez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que vous priez, quel qu'en soit l'endroit où l'esprit se trouve, ils connaissent que ça se passe ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Que ce soit dans votre pays, que ce soit n'importe où ça se trouve. Que ça soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Au nom nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute substance dans son corps, dans son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Commandez. Ils entendent. Ils entendent. Ils entendent. À l'heure où nous prêchons, où nous parlons maintenant comme ça, ils entendent. Ils entendent. Ils entendent. Ils organisent même des représailles. Commandez à toute substance, à tout esprit qui manifeste vos forces. Ils sortent au nom de Jésus. Commandez. Tout esprit qui manifeste vos forces. Commandez-le de Jésus. Commandez-le de quitter. Il n'a plus vous toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez, commandez, commandez. Tout esprit qui manipule vos vies, qui est là, qui manipule vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça se lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez. Je vous commande. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans mon sang, qui vient du monde éternel, sorte maintenant. Au nom de Jésus, nous sommes sous ma peau, venons de nous demander ça. Au nom de Jésus, nous allons commander, commander, commander, commander, commander, commander. Au nom de Jésus, sorte, sorte, sorte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Vous avez l'autorisation dans le nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus. Toute puissance, toute puissance qui règne dans ton corps, dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Jésus. Je vous commande maintenant de sortir de l'esprit de la dimension, esprit de la magie. Je vous commande au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez de vos corps, sortez de vos corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute puissance démoniaque, toute autorité qui contrôlait ta vie, on les chasse maintenant au nom de Jésus. Priez maintenant. Troisième phase, prions, prions, prions. Toute puissance. Prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie. Toute puissance. Toute autorité qui régnait dans ta vie, chasse au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, juste si ça vous lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit qui vous oppresse, Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je vous trouve au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commandez l'autorité et l'autorisation de l'État. Commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance, toute autorité, tout esprit méchant, tout démon qui venait dans ta vie, qui était délégué dans ta vie, commandé. C'est la fin aujourd'hui de leur activité. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de leur activité dans vos vies. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Commandez. Nous toucherons plus ta vie, ni ta santé, ni ton corps, ni ton âme, ni tes études, ni ta maison. Au nom de Jésus, dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Comment? Quel qu'en soit là où l'esprit se trouve, sur cette planète, que ce soit hors de cette planète, ils entendent au nom de Jésus de Nazareth, ils vous lâchent. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, je te commande, Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, commande, ça vous lâche. Maintenant, vous restez tranquille. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Restez juste calme avec votre main là-bas sur votre ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous m'écoutez très attentivement. C'est à vous que je m'adresse. Quelle que soit ta provenance, quelle que soit la cause pour laquelle tu as été envoyé, écoute bien cette voix. Aujourd'hui a lieu la fin de ta mission dans la vie de ces soeurs et de ces frères qui m'écoutent maintenant. Si toi tu entends maintenant cette voix, toi, je m'adresse à toi, avec ta main sur ton ventre, j'ordonne que toute substance, tout blocage qui se trouvait dans ta vie, dans ton corps, que la chaîne tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien cette voix. Écoutez bien cette voix, vous à qui je m'adresse. Vous à qui je m'adresse. Quelle que soit votre provenance, quelle que soit votre exaction dans son corps, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous lâchiez votre emprise sur sa vie maintenant. Écoutez bien cette voix. Je commande que vous lâchiez votre emprise sur sa vie maintenant. Maintenant, que ce soit la maladie, quel que soit le nom qu'on nomme sur votre vie, je leur commande d'arrêter leur emprise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le nom de cet esprit, quel que soit le nom de cette infirmité, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça cesse maintenant. Écoutez bien cette voix une fois de plus. Je commande que toute substance, toute pression de l'esprit démoniaque dans vos vies s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous m'entendez très attentivement, vous m'entendez très bien. Je marche au devant de vous avec le nom puissant du Seigneur Jésus. Et je vous commande de lâcher ces enfants. Lâche ces enfants et vous ne retournerez plus. C'est la fin de votre cérémonie dans leur vie aujourd'hui. Vous avez assez manipulé la vie de ces enfants du Seigneur. Vous avez assez manipulé la vie maintenant et tourné leur vie dans leur farine. Aujourd'hui, le Seigneur vous commande de quitter, de lâcher prise maintenant. Vous entendez la voix. Vous entendez la voix qui vous parle. Quitte son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son cerveau. Quitte son âme. Quitte son esprit. Quitte son corps. Vous n'aurez plus d'emprise parce que tout cet être appartient au Seigneur Jésus. Il les a rachetés. Quittez son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche mon frère et lâche ma soeur. Ils accompliront ce pourquoi le Seigneur les a envoyés. Et tu n'auras plus rien à faire dans leur vie ni dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que des entrailles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout poison, tout fibron, écoutez-moi, vous fibrons et vous myomes, quel qu'en soit le nom qu'on vous donne, je vous commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et toi, dépôt d'ordure, déposé par des relations sexuelles nocturnes et des nourritures nocturnes, je commande de quitter ces êtres-ci maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance satanique, toute puissance des ténèbres qui envahissent leur vie, je commande que vous quittez leur environnement. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne retiendrez plus leur vie en captivité. Vous ne manipulerez plus leur vie. Écoutez bien cette voix, vous ne manipulerez plus leur vie. Vous quittez leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants ne te serviront plus jamais. Ces enfants ne te suivront plus jamais. Et tu n'auras plus de choses à faire dans leur vie. La séparation a eu lieu aujourd'hui entre vous et sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'aurez plus d'emprise dans leur vie. Tout lien et toute chaîne que Satan tenait pour vous tenir à lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance déposée dans votre corps, dans le sang, dans le ventre, pour t'utiliser contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien entre vous et le monde des ténèbres qui s'y trouve votre nom désigné, votre nom mentionné, les objets vous appartenant, utilisés contre vous dans le monde des ténèbres, que ça soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Que ça soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'aurez plus rien à faire avec eux, avec ces idoles de la famille, avec ces hôtels familiaux. Ça n'aura plus d'emprise sur vous à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute substance donc, dans ton sang et dans ton corps qui avait été comme dépôt de ces esprits et suite des conséquences de ces choses-là, par suite de leur contact et de leur envoi dans ton être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une séparation entre vous et eux maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'ils écoutent cette voix. Parce qu'ils écoutent cette voix. Vous ne vous tiendrez plus devant cet enfant. Vous ne vous tiendrez plus devant cet enfant, ni dans sa vie, pour le manipuler, pour l'oppresser. Car votre séparation a lieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et nous asseoir.